Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, des arbres et des hommes. Une série de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a les forêts sombres qu'on a dans la tête. Le souvenir des journées où l'on grimpait dans les arbres, le contact de l'écorce, l'odeur de la mousse, les mains vertes, les ongles noirs, les marrons brillants qu'on lisse au fond de nos poches et l'impression d'avoir affaire à quelque chose de fort et de solide. Alors pour commencer, les personnages. Deux guides près de chez eux, un employé municipal, des enfants malades, un homme qui raconte une histoire, une historienne des forêts, quatre saints, deux jeunes filles, un curé qui ferme les yeux, un toucheur et une guérisseuse qui souffle. Ensuite le décor. Le pré d'Auge, une source miraculeuse, des chiffons mouillés, un incendie, un vieil arbre à loques, un rituel, une église, un cimetière, des barbelés, un peu d'eczéma, du pouvoir toujours, un buste dans une niche, du secret, des nœuds, des oiseaux qui emportent le mal, le paganisme, des canards, des arbres abattus et des pierres renversées. Aujourd'hui, deuxième épisode, on croise les doigts. Sa main guérissait mon épaule. Et faites que Jean-Claude puisse revenir. Merci beaucoup. Sa main, partons-nous. Sa main, protège-moi, afin qu'il reste de plus longtemps possible avec moi, ainsi que mes trois frères et petites filles. Sa main, protège-nous. Nous te demandons la guérison de la démangeaison. Il y a quelqu'un qui a laissé la photo de l'enfant sans doute malade. De notre petite Dylan. Sa main, fait que sa main protège mes quatre enfants, reviennent, petits-enfants, et qu'ils ne me quittent plus. Avec Guillaume le Conquérant, alors ça fait un moment qu'on sévit dans le coin. Vous sévissez avant. Quoi ? Tu sévis. Bon, hein. Alors voilà, on va embrasser là-dessus. Et on arrive. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. L'arbre à loques guérisseur. Qu'est-ce qu'il y a au cimetière là ? Ah ben c'est Pépette. On a notre c'est le cantonnier. C'est le cantonnier qui doit être là avec sa voiture, je pense. On avait notre maison, des parents, l'église. Ça c'est l'ancienne mairie qui est une petite mairie de mariage. Alors c'est notre coin, voilà. Voilà, vous allez voir. Nous sommes le 13 mai 2009 au Pré d'Auge. Pour l'entretien sur le patrimoine culturel immatériel. Donc nous sommes en compagnie de l'agent technique du village. Oui, ah, exactement, hein. C'est ça. Voilà. Donc, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Ben, je suis Monsieur Meunier Stéphane et ben, j'habite au Pré d'Auge. Vous êtes né ici? Oui. Vous avez toujours vécu, vous avez pratiquement toujours travaillé ici aussi? Oui. Et votre travail consiste à... Ben, moi, je m'occupe de tout ce qui est voirie, entretien d'espaces verts, cimetière, tout ce qui est à côté. Donc, vous êtes témoin direct de ce qui se passe dans le bourg. Ah ben oui. Des fois, on voit des voitures au bord de la route, on pense que les gens sont au cimetière, et non, ils sont bien à la source. Hein. Il y a des 75, il y a des 92, il y a des... Et lorsque les personnes vous accompagnent, enfin, vous accompagnez les personnes, vous leur montrez, vous leur indiquez, et puis ensuite vous partez, ou bien est-ce que vous les... La plupart du temps, quand je les accompagne, c'est parce que c'est les gens qui ont peur des bêtes. Ils ont peur de y aller, donc je les accompagne. Parce qu'il y en a beaucoup à qui, ouais, des fois, je dis, il faut faire comme ça. Ils prennent un chiffon. Ils nettoient, quoi, ils passent sur le... de l'eau sur la peau de leurs enfants, et puis après ils mettent le chiffon sur l'arbre, et puis ils partent, quoi. D'accord. Quelque chose un peu magique. Oui. Non, mais bon, c'est vrai que quand on voit le nombre de personnes qui va là-bas, c'est quand même quelque chose. Bon, l'histoire de l'art, quand même, ça avait été un peu... Oui, c'est un peu un lieu sacré. Voilà. Alors ça, c'est la petite. L'église normande moyenne. Et vous, Madame Gaussé, vous avez grandi où? Bah, j'ai grandi beaucoup ici, et puis là maintenant on a les petits yeux, mais enfin on a été 40 ans là, alors depuis notre maison là-haut, on voit très très très bien ce qui se passe. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient mis le feu à l'alarme. J'étais là-haut et j'ai entendu des bruits. Et il y avait deux personnes qui tournaient autour de l'arbre avec Oui, après avoir tourné autour avec des tam-tams. Et... Alors mon mari est parti avec le voisin. Et c'était puis, le 21 juin. Deux seaux d'eau. Et c'était le solstice d'été. Ils avaient des petites lampes à la main. Ils ont dû les poser dans l'arbre. Ils ne l'ont peut-être pas fait exprès. Hein. Mais il y a eu feu. Il avait quand même dit que c'était plus ou moins un truc... Le culte vaudou. Alors, quelquefois, on voit des restes de bougies. On arrive par ce chemin, par le chemin principal, on ne voit pas cet arbre à loc, hein. On ne voit pas du tout, il est caché par un autre arbre. Vous avez raison de le faire remarquer. Il va falloir que je fasse élaguer, parce que comme il a beaucoup poussé, on ne le voit plus en effet. Vous avez raison là-dessus. Quand on regarde bien, il y a le petit chêne. Avant, on le voyait mieux. Le jeune. Mais peu importe. Il y a l'adulte. Il y a le vieux. Voit le cercle. Voit l'entourage. C'est-à-dire que sur le site, on a trois générations d'arbres qui se succèdent. Alors, c'est moi qui l'ai planté il y a environ une dizaine d'années. Donc, il y a la question de la filiation. Très grand que l'on aperçoit. De chacun dans son parcours de grandir, d'évoluer, de se transformer. Comment il s'appelait, votre grand-père? Pierre. Donc, Pierre de la Rivière. C'est pas anodin aussi, je pense qu'il y ait plusieurs générations, hein, entre les trois générations d'arbres qui soient là. Le jeune, l'adulte, oui. Et le vieux. Et c'est auprès du vieux que se réalise le rituel. Yann Le Born. Et en plus, il y a le cimetière et l'église à côté. Donc on passe à droite des tombes des comtes de la rivière Prédouge, hein, qui montre bien l'importance du pouvoir seigneurial, enfin, et puis de leurs successeurs sur le lieu, dont Dominique de Russey est finalement un des perpétuateurs. Et puis il y a le château qui, à mon avis, qui signifie aussi le pouvoir qu'il y a quand même entre l'église, le château et l'arbre. Il y a ces trois éléments qui se rejoignent sur le chêne Saint-Main, finalement. Le pouvoir, le religieux et le végétal. Et à ce moment-là, on arrive au bout du cimetière, qui n'est pas très grand. Il y a une espèce de clôture un peu barbelée, enfin, qui étrangement empêche. On a un moment de recul, un moment de refus de pénétrer dans la propriété, ou en tout cas ne pas oser. Une fois qu'on lève ce petit clapet, il faut qu'on pousse, et puis il faut traverser ce pré, aller en contrebas, pour aller jusqu'à l'arbre. Puis il y a encore une autre clôture. Une autre clôture, mais qui est cette fois-ci destiné à empêcher les bêtes, donc les vaches, de pénétrer dans l'enceinte sacrée. On passe comme vous, là? Oui, il faut passer comme vous. Ah oui, il n'y a pas d'autre moyen. J'ai pas pris la clé. Le fait de... J'ai pas pris la clé. Non, ça va, merci. D'avoir des difficultés ou des barrières à franchir pour aller vers cet endroit, et ben finalement nous permettre d'être plus ouverts. Il faut éprouver Alors ici, vous aviez avant l'auberge des Bienheureux Samains ici. C'est-à-dire que les gens qui venaient en pèlerinage s'arrêtaient ici, se reposaient éventuellement, prenaient des bouteilles d'eau pour aller chercher l'eau à la source. Il y avait un petit café. Et il y avait un café. Ça a fermé à peu près il y a 50 ans, je l'ai connu quand même. Que je suis hors sein, moi je ne suis pas d'ici. Ben. Ces arbres ont été conservés, et donc au départ ils n'étaient peut-être pas des arbres à loques, ils ont été conservés en raison de leur position, position d'alignement qui permettait de cibler la tour d'un château, où à partir du château vous pouvez repérer ce qui se passait en contrebas de la vallée. André Corvol. Ce sont des arbres qui avaient une position particulière, ou bien par exemple qui étaient à l'intersection de deux paroisses, ou d'un carrefour. Donc ils ont été conservés en raison de leur position géographique. Et on a ça par exemple dans les arbres à femmes, qui sont des arbres sur des carrefours, où il y avait deux techniques quand on était fille mère. Soit on supprimait l'enfant à la naissance, parce qu'être une fille mère c'était quelque chose d'épouvantable à l'époque, on était renié par sa famille, ou alors, ayant peur de la damnation, on abandonnait l'enfant. Et là, il y avait deux techniques. Soit on l'abandonnait en forêt, en général sur un bord de fossé, soit on l'abandonnait à un arbre carrefour, en se disant qu'il y a un passant, ou plutôt une passante, qui peut-être n'aurait pas d'enfant, en tous les cas qui sera attendri, et qui récupérerait cet enfant. Et progressivement, ces arbres à femmes sont devenus, je dirais, des femmes à enfants, dans la mesure où des femmes qui voulaient être grosses mais qui ne pouvaient pas l'être, allaient prier à cet arbre-là. Donc régulièrement, il y avait notamment les religieuses de couvent qui passaient pour voir s'il y avait des enfants qui étaient abandonnés dans les parages. Et on le suit très bien à travers des renseignements monastiques. Avant le XVIIIe siècle, il est très très rare qu'on note ce genre de choses. Les érudits ne s'y intéressent pas. Mais on a quand même un témoignage par Ambroise Paré, donc du temps de François Ier, Patrice Lajoie, qui signale qu'on a arrêté à Paris une dame normande qui prétendait faire un pèlerinage à Saint-Méen et qui pour ça faisait la quête, mais qui évidemment gardait l'argent pour elle. Alors elle était intercesseuse, et c'était pas elle la malade. C'est bien attesté au XIXe siècle, hein, qu'on peut embaucher quelqu'un pour faire la quête à sa place et aller faire le pèlerinage à sa place. De toute façon, les gens malades n'étaient pas forcément déplaçables. Et aujourd'hui, les pèlerins là, qu'on voit par exemple depuis ce matin, on en a vu 3-4. Là, il y en avait tout à l'heure qui étaient justement devant la barrière et qui se sont cachés. Ils viennent de la même façon ? Ils non, suivent ce pèlerin ? Non, c'est fini ça. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire alors ? Essayer de se soigner d'un eczéma, d'une quelconque maladie de peau comme ça. En accrochant une loque à l'arbre. C'est intéressant parce que quand on y va, on voit tout de suite ce qui impressionne, c'est tous ces loques en fait qui pendent. Un arbre à loque est un arbre que des pèlerins viennent visiter dans l'espoir d'une guérison. Alors, il y a plusieurs moyens de fixer ces loques. Le nouage, Anne Marchand. On prend le chiffon, le ruban, l'objet en question, et on l'accroche en faisant un nœud. Il y a aussi la clavifixion, c'est-à-dire fixer avec un clou. Et puis, mais très rarement, juste le dépôt de la loque. C'est un rite de guérison parce que de manière vraiment très très ancienne, il y a l'idée de transfert de la maladie à un végétal. ou, et c'est le cas de la clavifixion, on pense qu'en enfonçant le clou dans l'arbre, notre propre souffrance va disparaître et va passer dans l'arbre. Et c'est lui qui sera atteint de la maladie. Par contre, dans le cas du nouage, ça correspond à une très ancienne tradition, surtout celtique, où il y a l'idée d'un dieu guilleur. Et le dieu guilleur est un dieu qui fait à la fois guérison, mais peut aussi provoquer la maladie. Et le malade, il est noué. Donc, il faut que ce nœud soit transféré à autre chose. Mais là, c'est plus pour vraiment passer la maladie à l'arbre, c'est plutôt l'arbre comme intercesseur. Il est l'intermédiaire entre le dieu guilleur et la maladie. On voit quelquefois des fleurs aussi, là, il y a un petit pot. Alors là, il y en a, je ne sais pas comment ils ont fait pour aller mettre ça là-haut. Tout là-haut, là ? Ouais. Ils ont dû grimper à l'arbre ? Je ne sais pas. Il faut en trouver beaucoup de chapelets. Des gants, des chaussettes, là. Ouais. Et puis, petit chiffon, petit chiffon. Il y a la petite culotte, il y en a une. Je n'ai pas commandé les pèlerins, j'aurais dû. Il y en a une petite culotte là-haut. Ah oui. Oui, mais alors les pèlerins, ils viennent vraiment ou pas ? Ah ben, écoutez. Oui. Ça, je peux vous dire que oui. C'est quand même étonnant de voir tous ces gens qui viennent. C'est habitude, oui. Voyez-vous. Moi, c'est plus une habitude, parce que ça se dit, ah ben, tiens, vous êtes malade de qui Par le passé, les gens venaient de très très loin. Ils faisaient une quête. Il ne fallait pas que ce soit quelque chose de facile, avec des dons aisés. Non, non. Il fallait de préférence aller voir les gens qui ne vous aimaient pas. Et réclamer de la petite monnaie, du billon, comme on disait, donc la petite monnaie de bronze. De nos jours, ce seraient les pièces jaunes. Et une fois qu'on a l'argent requis pour une messe ici, donc il fallait faire donner une messe à l'église, et après descendre à la source, prendre de l'eau, se soigner avec. Mais c'est pas la seule source. Parce qu'autour, il y a plein de sources miraculeuses, en fait, dans le pays. Il y a la source Saint-Laurent, il y a la source Sainte-Clotilde. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le coin où il y a des sources, où il y a aussi des miracles qui se font. Et les gens viennent prendre de l'eau. Mais alors cette source, vous avez vu comme elle coule. Elle coule fort, elle n'a jamais tari, hein. Jamais, jamais. Il y a toute une légende, mais avec un peu aussi de fait historique quand même, parce que on raconte que vers 550, l'évêque d'York, Samson, a été chassé par les Saxons, et dû se réfugier en Bretagne. Jacques Manœuvrier. Avec quatre de ses neveux, Malo, Brieux, Magloire et Méen. Et, arrivés en Bretagne, ils se sont dispersés pour évangéliser le pays. Méen est venu en Normandie, en particulier dans le pays d'Auge, est arrivé à Lisieux, et puis a continué son voyage, et arrivé dans une petite paroisse qu'on appelle le Pré d'Auge, fatigué, il était déjà âgé, il s'est assis sous un chêne pour se reposer. C'est alors que sont arrivées deux jeunes filles. Alors, bien sûr, comme dit la légende, l'une était jolie, souriante, gracieuse. La deuxième était revêche, laide, enfin bon. Et elles avaient chacune une cruche d'eau. Méen leur demande un peu d'eau pour se désaltérer. La revêche se moque de lui et s'en va sans rien lui donner. Et la seconde remplit sa gourde d'eau fraîche. Et on raconte que Méen, pour la récompenser, lui a dit, eh bien, désormais, vous n'aurez plus de chemin à parcourir, je vais faire jaillir une source au pied du chêne. Par contre, votre compagne, qui a été désagréable, souffre déjà de la lèpre, et pour se guérir, il faudra qu'elle vienne se passer de l'eau sur son visage tous les jours. Et à partir de cette légende, qu'un pèlerinage a été organisé du Pré d'Auge, là, sous le chêne, qui existe toujours, qu'on appelle le chêne au chiffon. Vous accédez à l'arbre par une sorte de parcours d'initiation. Et vous retrouvez ça dans tous les contes de fées. Le héros ne va pas délivrer directement sa dulcinée. Il va passer différentes étapes dans la forêt. On n'a rien sans mal. Il faut donc crapahuter un peu jusqu'à atteindre l'arbre. Mais il ne faut pas oublier que ces arbres ont souvent été dans des lieux de profonde solitude. Donc il y avait une source et un ermite et c'est tout. Par définition, l'ermite ne s'installe pas dans un lieu fréquenté. Cela dit, l'ermite connaît bien la forêt, il a des pouvoirs guérisseurs, donc entre l'eau et les plantes qu'il va vous donner, il peut vous guérir. Et puis une fois qu'il est mort, ses cheveux, ses os vont avoir également un pouvoir guérisseur et vont servir de reliques, de talismans, etc. On ne touche pas aux loques qui sont à l'arbre. Parce que dans le domaine des croyances, si vous touchez, si vous retirez la loque qui est censée transférer la maladie à l'arbre, c'est vous qui allez attraper la maladie. Pour oser retirer les loques, il ne faut pas y croire. Parce que sinon, on n'y touche pas. Il y a un processus de transfert dans toute pratique thérapeutique. La prise en charge, c'est quand même une expression très importante qui montre vraiment cette circulation d'un flux qui est libérateur. L'idée, c'est qu'on dépose comme une fixateur du mal sur l'arbre. Ouais, et puis ce mal-là est censé être transféré vers une dimension, vers le divin, qui est donc le pouvoir universel, hein, le pouvoir de guérir. Donc on invoque ce symbole dans l'arbre. Sa main est l'intercesseur. Et cette église, vous y veniez régulièrement? Ah bah oui, parce que là vraiment on n'allait pas loin. Alors le château, c'est important parce que ces sites-là sont très liés à la question de la territorialité. L'autochtone qui demeure ici finalement revendique son territoire et sa filiation sur le territoire. Voilà. Dans le temps, nous demeurons. Et je pense que il y a une forme de légitimité du pouvoir qu'il y a derrière le fait que ce pouvoir-là, d'un coup, il est relié, je dirais, à une dimension divine, guérisseuse. Donc le châtelain, là, il est gardien d'un site qui a un pouvoir de guérison. Clairement, la relation entre le Seigneur et le pouvoir thaumaturgique est très important dans nos régions, enfin, dans la tradition française et même occidentale européenne. Les rois avaient quand même le pouvoir, au moment de leur sacre, de guérir les gens par le toucher, notamment guérir des écrouelles. Donc il y a quand même cette relation du pouvoir à l'acte de guérir. Il y a cet arbre qui est quand même qui est ouvert sur toute une partie. Et puis le buste de Saint-Main repose sur un espèce de grand tabouret. Et puis quand on est de l'autre côté de l'arbre, sur l'autre versant de l'arbre, on voit la souche, l'écorce, et puis le buste de Saint-Main qui se trouve derrière dans une petite niche fermée par une grille. Donc il y a un côté ouvert, puis un côté fermé. Un peu, d'ailleurs, on est un peu comme le site en général, il est un peu fermé, puis en même temps, pour y accéder, il faut franchir l'ouverture, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant parce qu'on a le côté scène et le côté coulisses, du coup. Côté écorce. Ce qui impressionne, c'est tous ces loques en fait qui pendent, enfin, qui donnent à ce lieu encore plus de valeur quand on approche et qu'on voit ce qui s'y passe. C'est très mystérieux. Hein. C'est très mystérieux. Et que chacun finalement participe du mystère du lieu en y allant, en compte. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il est difficile quand on est sur place de croiser quelqu'un. Quand on vient. S'il y a d'autres personnes qui arrivent en pèlerinage, ils attendent qu'on parte. Chacun son tour. Et puis c'est toujours un peu mal vu de faire quelque chose qui est quand même considéré comme superstitieux. C'est toléré par l'Église, c'est même accompagné par le curé, mais ça n'est pas une pratique chrétienne à la base. être vu faisant cela, vous enleveriez de la puissance à votre vœu par une sorte de perturbation énergétique. J'allais dire, il faut que vous soyez en tête à tête avec l'arbre pour que ça puisse fonctionner, parce que sinon le message ne passe pas. C'est le tête à tête qui est important. C'est quasiment un moment de méditation. Vous pensez profondément au geste de ligature que vous êtes en train de faire, car par le geste de nouer, vous nouez le mal et l'oiseau va l'emporter. Donc vous pouvez être en tête à tête avec l'arbre quand vous faites cela, quelque part. Puis au fond, quand on a tout essayé, bah pourquoi ne pas essayer ça? Ça marche, ou ça marchera pas. Si ça marche pas, on l'oubliera, mais si ça marche, on racontera ça à d'autres. Et du coup, ça permettra au geste de se pérenniser. Et bien alors Bertrand qui avait un fils, qui avait un fils qui était lourd et d'eczéma, de la tête quasiment aux pieds. Et alors et son père a remonté de l'eau et lui avait donné un bain. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait tous les deux en bas, mais je suppose que mon fils, comme je le connais, a dû le mettre tout nu. Mais il n'empêche que 8 jours après, il n'y avait plus rien. Et il a 22 ans maintenant et ça n'est jamais revenu. Il y a au moins 500 visiteurs par an, hein. N'est-ce pas? Parce qu'on relève les loques, j'en enlève environ 500. Enfin, j'en enlevais, puis maintenant mon fils le fait, 500 par mois, par an. Et un jour, j'ai eu quelqu'un... Qu'est-ce que vous en faites ? Je les brûle. Et un beau jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu rouspéter parce que j'avais enlevé un vêtement de son petit garçon et que le mal avait repris sur son petit garçon. Donc, j'étais responsable. Puiser de l'eau. C'est plus discret. C'est plus discret pour faire ses dévotions. On va peut-être les laisser. Je sais pas qui c'est. Hein. Je ne sais pas qui c'est. On les laisse. Mais ça peut être des pratiquants. Si vous leur sautez dessus dès qu'ils arrivent, ils vont dire non tout de suite. Ah, ça c'est certain. Non. Il faut oser en fait, parce que quand on va sur le lieu, il faut oser, je dirais, ouvrir ce portail. Pour ces enfants, on essaye tout, quoi. Se dire, on y va. Bon, par le passé, moi j'avais des verrues, c'est une fleur qui me les a enlevées, un oncle un jour m'a frotté et puis hop, c'est parti. Et puis en Normandie, on est un petit peu croyant, superstitieux, et on se dit que ce n'est que de l'eau. Donc, Sinon, il n'y a pas de panneau nulle part, il n'y a pas d'indication, donc ça veut dire que c'est bien que c'est quelque chose qui se transmet dans un, voilà, je dirais en souterrain. L'abbé Dupire, curé d'Oisemont et de Sénarpont. C'est inscrit au fond du cœur de l'homme, je dirais, dans ses tripes, quoi, d'une certaine façon. Parce que cette religiosité, enfin, ce culte qu'ils rendent aux saints, c'est un petit peu comme un recours, si vous voulez, à ce qui fait leur vie qui colle à la terre. Le ciel est loin pour eux. Il est proche dans la mesure où ils sont proches de ce qui est à la terre. Et il semblerait que s'accrocher comme ça à des arbres, à des choses qui sont de ce monde, c'est par là qu'ils arriveront davantage à retrouver, à décrocher quelque chose du ciel, je dirais. Alors, certains l'expriment par des gestes, d'autres des paroles, et souvent, il y a des ditons là derrière. C'est lié au temps. C'est lié aussi à leurs ancêtres qui ont fait telle chose et telle chose. C'est même lié, je dirais, à des animaux parfois. Parce qu'ils sont très proches des animaux, très proches des végétaux. Et en les sentant proches, ils ont une parole qui est autre et qui devient poésie à cause de leur attachement à la terre, à la nature, et puis à tout ce qui fait, le ciel et la terre, quoi, au fond. Le ciel, pour eux, ce sont les étoiles, c'est le temps. C'est aussi un petit peu le rêve, le lieu de leurs ancêtres, en même temps que, leur destinée, quoi. C'est-à-dire, c'est un lieu de rencontre, où tout de la terre et du ciel, quoi, se retrouvent, eux avec leurs ancêtres, et par la suite, ils retrouveront aussi ceux à qui ils ont donné la vie. C'est cette forme de... Il y a un appel qui est fait, si vous voulez, par le ciel. D'ailleurs, l'homme a toujours voulu grimper. L'arbre, oui, c'est ça. Le culte de l'arbre, c'est parce que l'arbre vous dépasse. Donc, vous avez besoin de croire que quelque chose va transcender votre existence, que au fond, vous allez pousser comme cet arbre. C'est pourquoi, d'ailleurs, le cordon ombilical était enfoui au pied d'un bel arbre en pensant que l'enfant aurait, d'ailleurs on disait l'enfant de l'arbre, aurait la même force et atteindrait le même âge que cet arbre. En général, l'arbre vivait beaucoup plus vieux que l'enfant, compte tenu surtout de la mortalité infantile à l'époque. Donc on retrouve cette idée de vœu qui passe à travers l'arbre. Et il y a des choses qui sont restées. Regardez pour les enfants, quand on a une maison de campagne, la taille des enfants, on les marque parfois avec une trace sur l'arbre qui indique la taille des enfants. C'est assez touchant de voir ça, de dire « Ah ben là, c'est autant de mes grands-oncles, et puis là, c'était notre génération. » Enfin, je ne sais pas, ça a quelque chose qui est... Oui, c'est la transmission de la vie. Le rite consistait à passer entre deux arbres, ou bien alors, quand l'arbre se séparait en deux grosses branches, à faire passer le malade ou l'enfant entre les branches. Hein, une personne repassait à celui qui était de l'autre côté pour que l'arbre aussi puisse pleinement participer à la guérison. Quand il y avait un trou dans l'arbre, quand c'était un petit bébé, on mettait dans le trou aussi. C'est à partir de l'arbre que le monde s'est construit. D'où l'arbre cosmique qui permet la séparation du ciel et de la terre. L'arbre relie le sous-sol, domaine de l'enfer, et puis le ciel, puisque au fond, par le vent, mais par la lumière également, il est en communication, je dirais, avec l'ensemble de la voûte céleste. Donc on n'échappe pas à l'arbre. On a besoin de l'arbre, on les aime. Alors Guillaume m'a indiqué effectivement le chemin pour aller jusqu'à la source. Et il me dit, bah, va à la source, tu verras bien, ça marche pas. Quoi. Et il m'a indiqué qu'il fallait au niveau de l'église, derrière le cimetière, et puis un sentier à suivre. On est allé avec mon épouse, on a pris de l'eau, on a fait avec le linge sur place. On a laissé le linge sur place et à la maison, on a appliqué tous les jours et on faisait la neuvaine, parce qu'il y a une prière qui va avec. Pendant 9 jours, c'est pour ça que ça s'appelle une neuvaine. Alors bon, j'ai peut-être pas assez prié, parce que ça n'a pas marché pour ma fille. Vous, vos parents, vos grands-parents ont déjà pratiqué Mes parents allaient chez un monsieur qu'on appelait monsieur Royer, qui était au prédo, justement. Vous avez peut-être entendu parler, qui était un toucheur magnétiseur. Et moi, j'avais une arrière-grand-mère qui avait une plaie à la jambe qui ne se refermait pas, et en allant le voir, lui, sa plaie se refermait. J'avais les marques, bien sûr, mais j'avais plus ce feu dans... Donc ça, je ne sais pas si les gens vous ont expliqué, il faut enterrer après les cotons. D'abord, on les stocke. Je ne me rappelle plus, parce qu'il y a longtemps que ça fait déjà 6 ans. Bon, c'est... Et là, vous accrochez rien à l'arbre, du coup? On l'a fait. Je l'ai fait quand j'ai eu, moi, j'avais un petit mouchoir, je l'ai fait, moi. C'est le mâle qu'il faut enterrer, qui dit. Alors ça, j'avais du mal, mais je l'ai quand même fait. Moi, j'y croyais pas du tout, je vous promets. C'est parce que j'en pouvais plus de cette allergie. J'en avais plein partout, tout le visage déformé. J'ai même été après au CHR faire des examens. Mais non, 2 ans après, je fais des petites allergies. Mais bon, le plus gros était passé. Et bon, grâce à lui, le feu, ça m'avait quand même soulagée. C'est Pascal. Attendez. Oui, il est de la région, lui. Ah oui, à la ferme à côté. Là, vous voyez, à Intermarché, il y a le petit chemin qui va au drive, là. Donc, vous continuez, puis c'est une maison qui est en hauteur. Le chemin s'arrête chez lui. Et puis, on voit une toute petite maison avant. Ah, moi, je l'ai vu. Non, c'est 06. C'est pour ça que quand des fois, on entend des choses sur lui, il y a des choses sur moi. Il a quand même passé à la télé. C'est une collègue qui a fait été. Et là... Moi, je sais quand il était là, et la salle des fêtes, ils étaient présentés, on voyait des camping-cars qui arrivaient le soir pour l'entonnoir. Les gens dormaient ici. Pour être sûr d'arriver les premiers. Ah oui, oui, oui. Il y avait du monde. Non, monsieur Dubois, avant de mourir, il m'a transmis. Ça vient pas comme ça. On est avec un fluide. Il y avait du monde. Après, il faut savoir s'en servir. Si on vous initie pas. Même maintenant, on peut encore passer dedans, il y a du monde. Au début, ça a commencé, j'ai touché des gens, ça a marché. Je récite mon secret, en fin de compte, c'est le secret là. Et j'injecte cette énergie qui est. Ça se contrôle pas, on ne peut pas la contrôler. Il faut que vous puissiez supporter le mal des gens. Et là, le plus dur, c'est ça, c'est de supporter le mal. Mais comment vous le supportez, vous, alors? Par des prières. Pour évacuer ce mal qui est en moi. C'est-à-dire? Je le digère. Par exemple, moi, je vais toucher une douleur, je vais vous toucher une douleur sur quelqu'un. Elle va venir sur moi, je la sens. Ces croyances perdurent parce que l'on a un vieux fond de paganisme. Alors, on voit très bien que les zones qui ont été, je dirais, des zones de bocage ou des zones de forêt profonde, par conséquent, la pénétration du monothéisme a été plus difficile qu'ailleurs. Qui me dirige pour vous toucher, je veux savoir. Ces zones conservent davantage d'arbres à loques, à pierres, à bûchettes, à tout ce que vous voulez, que d'autres. Alors, par exemple, vous en avez beaucoup dans la Manche, le Calvados, l'Orne, c'est-à-dire des territoires de bocage. Alors, aujourd'hui, quand vous circulez dans ces régions, vous n'avez pas l'impression de régions reculées. Mais il faut penser que jusqu'au XIXe siècle, c'était des sociétés paysannes immobiles, c'est-à-dire avec très peu d'échanges avec l'extérieur, hormis le bourg où on tenait le marché, où on apportait ses œufs et ses volailles. Qu'est-ce que vous pensez de cet arbre à loques qui reçoit plein de bouts de tissu? Si j'envoie les gens là-bas, c'est que je le respecte. Il a 1000 ans. Il était là avant moi, il sera là certainement après moi. Grand-père, tu veux pas acheter les pommes si tu veux. On est là pour faire perdurer quelque chose. Ça, c'est mon cochon, je ne veux pas qu'il reste trop vite. Quand l'Église catholique, des premiers temps, est venue christianiser la Normandie, ça n'a pas été simple. Ils se sont aperçus qu'il y avait des quantités de croyances, des quantités de dieux, un culte des fontaines, un culte des sources, un culte des arbres, des pratiques, et il fallait les assimiler. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se passe en gros sur 500 ans, entre le 3e et le 8e siècle. Pour essayer de christianiser les campagnes, ce qui ne se fait pas si facilement que ça. Et donc le christianisme à ses débuts, pendant tout le haut Moyen-Âge, condamnait à tour de bras le culte rendu aux sources, aux arbres, aux pierres. Mais jusqu'à la fin du 19e siècle, la médecine contemporaine, chez les paysans, elle est quasiment inexistante. C'est vraiment deux mondes qui sont séparés. Les médecins sont surtout urbains, ils sont rares. Cher. Et puis surtout, on en est encore au stade où on fait plus confiance au saint qu'au médecin qui va vous poser des ventouses et des sangsues. Ça n'est pas encore le médecin de famille. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'en est pas question. Ce sont des pratiques qui coexistent et qui ne se remplacent pas. Ce qu'il y a entre moi, je ne suis qu'un intermédiaire. C'est pour ça que je ne prends rien à personne. Et puis, les animaux sont guéris plus vite, parce que puisque c'est des animaux, ils n'ont pas de contre-pensée. Ils ne sont pas empêchés par personne. Vous comprenez? Moi, je n'y comprends rien non plus, mais ça marche. Vous ne pouvez pas empêcher un animal de se guérir tout seul. Perçu un coup de téléphone. Bon, allô, Germaine? Oui, oui. Il dit, le patronne, elle voudrait vous voir. Votre patronne veut me voir, pourquoi faire? Ben, hier, elle a donné à boire à ses bouts, tout était bien. Au matin, il y en a un qui est paralysé, elle est encore pire que l'autre. Bon, ben, je dis, écoutez, moi, je vais y aller tout de suite. Alors, moi, je me suis habillée, j'étais voir le chevaux, je l'ai soufflé comme il faut. Je l'ai ressoufflé. Bon, moi, je dis, madame, si une main est un petit peu mieux, ça va marcher. Et puis le lendemain, elle était mieux, et puis il a été beaucoup plus vite, et puis tout est bien. Et les humains, alors, vous ne guérissez pas? Si, ça marche. J'ai eu un petit gars à côté de Doulan. Son père, il l'a amené. Il était brûlé, tout ça. Je l'ai bien soufflé, je l'ai bien tout ça, assez énervé. Puis le petit gars, tout a très bien marché. Mais le mal reste sur vous? Non, moi je n'ai rien du tout. Au contraire, quand j'ai fait ça, je suis encore mieux qu'avant. Et puis quand je ne guéris pas, je gratte dans ma main. J'ai usé tous mes dents devant à gratter dans ma main. C'est le diable qui sort. C'est quoi souffler? Souffler, c'est prendre le mal, c'est caresser, quoi. Oui, c'est ça. Vous dites votre remise, puis vous faites ça 3 fois. Bienheureux saint main, vous qui êtes ici vénéré avec tant de confiance, nous rendons grâce à Dieu de vous avoir inspiré de quitter votre pays pour venir en nos régions nous soutenir dans la foi. Ça a d'abord été une lutte féroce contre toutes ces pratiques, si abattre les arbres, systématiquement tous les arbres sacrés, boucher les fontaines, renverser les pierres. C'étaient les ordres qui étaient donnés dans tous les diocèses, à tous les évêques. De la prière. Et vous n'avez pas ménagé vos efforts pour annoncer l'Évangile, pour prêcher à temps et à contre-temps, en retour, le Seigneur... Renverser les pierres, c'était pas trop difficile. Mais toutefois, l'Église a été assez maligne pour récupérer dans la majorité des cas ces pierres, ces mégalithes, ces domaines ou ces menhirs, soit pour les tailler en forme de croix, soit... en les utilisant pour construire une église ou une chapelle. Et même, souvent, on a la dalle de dessus de l'ancien dolmen qui sert de seuil d'entrée de l'église, qui permet de bien montrer à quel point l'église écrase le paganisme et les fidèles piétinent les vieilles croyances. Mais quand il s'agit d'une source... c'est beaucoup plus compliqué de la supprimer, bah, d'une part parce que l'eau, elle est toujours là, que ça plaise ou non. C'est souvent aussi le point d'eau, le cal, pour nourrir, pour abreuver les gens comme les animaux. Donc, quoi faire? Bah, le meilleur moyen, c'est de le christianiser en lui accordant un saint personnage. Et... en arrangeant les choses pour convaincre les habitants que le saint est bien passé par là, que c'est soit lui le créateur de la source, soit lui qui s'est assis à l'ombre de l'arbre, pour associer un personnage chrétien à une situation qui n'était pas catholique du tout. En fait, il y a ce trajet en fait sur le site où on a d'abord des gens qui, la légende le dit, hein, qui n'étaient pas chrétiens. L'évangélisateur arrive, il se repose et il les fait devenir des gens nouveaux. Alors il y en a une qui refuse bien sûr, mais du coup elle doit s'y plier. Et puis il y en a une autre qui accepte. Elle s'en sort transformée aussi. Elle devient chrétienne finalement. Le chêne, l'arbre, qui n'était pas l'arbre Saint-Main, devient l'arbre Saint-Main. Il y a cette transformation des sites qui les font perdurer dans le temps. Parce que c'est l'extériorité, l'étranger, hein, le conte le dit bien, hein, c'est un étranger qui vient sur les lieux et il rencontre 2 autochtones. Donc il y a déjà la question de l'altérité, l'extérieur, l'étranger, et puis l'autochtone, celui qui est d'ici. Et il arrive, et puis là, il demande à ces 2 jeunes femmes, alors il se trouve qu'en plus, lui est un homme, il demande à ces 2 jeunes femmes de le désaltérer. Donc, il y en a une, voilà, qui refuse. Donc elle refuse quoi? Elle refuse l'étranger, homme, qui arrive Et il lui dit, bah, puisque c'est comme ça, tu auras des pustules. Donc c'est sur la peau que ça se manifeste. Et la peau, c'est la mise au contact du dedans et du dehors. Et donc elle devient couverte d'une maladie de peau qui la rend monstrueuse parce qu'elle a refusé finalement l'altérité. Donc elle est punie. Elle est punie. Et celle qui accepte, eh bien, il lui fait jaillir une nouvelle source. Et ce n'est pas pour rien que du coup, pour guérir, eh bien, évidemment, il s'agit d'implorer sa main et puis de déposer sur la partie de peau malade un bout de chiffon qu'on aura frotté sur sa peau et puis qu'on dépose sur l'écorce de l'arbre. Là, il y a une identification entre la peau et l'écorce de l'arbre. Et puis, il y a aussi le fait d'être... Bah, l'arbre, c'est celui qui est ancré ici, là, qui est dans le lieu. Et bon, il y a tout ce transfert, hein, puis de d'ici vers l'ailleurs, c'est-à-dire aussi de la terre vers une dimension divine, vers laquelle on porte l'arbre, hein, vers le ciel. Il y a aussi toute cette idée du transfert de la terre vers le ciel. Donc il y a une histoire, je dirais, avec un mot contemporain, presque une histoire de résilience derrière, d'acceptation de l'autre. On reste, on demeure, on accepte l'autre et on s'en trouve transformé. De l'arbre à côté. Ben, je voudrais la circonférence. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous laisse glisser par là. Ah ben je peux plus. Noter. Moi j'ai 3 mètres là. Vous pensez que cette tradition de l'arbre à loque va perdurer? Elle est toujours très vivante. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire toujours très vivante? Mais le propriétaire, il me semble que c'est tous les ans qu'il enlève les loques de l'arbre pour les brûler. Nous sommes au mois de septembre, le tronc est déjà bien couvert. Donc il y a toujours beaucoup de monde qui y vient. Et pas forcément des personnes âgées. Et pourtant, on les voit pas. Non. Ils se cachent derrière les arbres. Ce que vous avez entreaperçu ce matin reviendront peut-être ce soir. Les gens se laissent pour le remplacer. La place. Oui. Pour remplacer l'autre arbre, quand il va s'écouler. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi parfois peut-être un peu de honte à accomplir une pratique considérée de nos jours à nouveau comme superstitieuse. Et alors ce chêne, cet arbre à loc, il est pratiquement mort? Oui, complètement. Là, ce coup-ci, il est vraiment mort. Hein. Ouais. Complètement, les écorces partent. D'ailleurs, il faut qu'on les enlève. Regardez, toutes les écorces tiennent plus. L'arbre est malade. Hein. Non. Donc du coup, il y a un gradient finalement entre l'homme qui va pas bien, l'homme qui va pas bien. En même temps, il y a une forme de prison là. L'hôpital, on dit qu'il est toujours malade, mais enfin, on charge les malades. Enfin, pour qu'il y ait ce transfert, il faut qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance de l'un dans l'autre, en fait. Et du coup, le chêne à côté va prendre le relais, vous pensez? Ouais, alors là, il paraît que ce sera son grand-père qui l'aurait planté. Et on envisage. On a demandé au monument historique si on pouvait faire une niche dans l'arbre. On m'a dit que ça ferait crever. Alors ça, je ne sais pas, il faut qu'on se renseigne. Que je voudrais. Avec un appareil, faire une niche pour mettre la statue de sa main pour remplacer ça. Pour garder la... Et donc celui-là prendrait le relais? Oui. Ah oui, parce qu'il est plus beau, hein. Vu d'ici, j'ai l'impression qu'il est mort maintenant, l'arbre. Mais là, en le voyant de loin, j'ai l'impression que ça y est, maintenant c'est terminé. Il ressemble à une grosse souche, là. Ouais. Il est resté quelques rameaux verts, il y a quelques années encore. Bon, maintenant il a son successeur à côté, donc un jour ou l'autre, le tronc tombera et l'autre prendra le relais, comme d'ordinaire avec ce genre de site. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, mais en général, quand on parle dans les campagnes d'arbres millénaires, et Qu'ensuite, on fait une analyse de l'arbre, on se rend compte qu'en fait, ils ont 200, 300 ans. Mais on a pu observer dans des endroits encore vivants comme ceci, encore fréquentés, que quand l'arbre tombe, celui qui est juste à côté prend le relais. Donc oui, ça devait être un croisement entre la topographie, la géographie. On n'est pas très très loin, on est à quelques kilomètres, 3 kilomètres, d'un ancien sanctuaire gallo-romain qui était très vaste, très important. La route qui permet de venir d'ici, jusqu'ici en venant de Lisieux, est une ancienne route romaine. C'est un lieu qui vous accueille, c'est un lieu qui vous propose quelque chose, c'est un lieu qui vous accueille en fait. On n'a pas envie de se moquer de l'arbre, on n'a pas envie de se moquer de la source, on n'a pas envie de se moquer de. Il est doux. C'est doux comme. Ouais, c'est. Il est malade, hein. Enfin, il n'est pas en bonne santé, il est pas. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il ne transfère pas encore, Dominique de Russet, le rituel vers le grand chêne, là, qui est bien portant, qui est dans la force de. qui est magnifique, qui est très grand, mais du coup, on n'a pas envie d'abandonner la vieille souche. On n'a pas envie de la laisser comme ça, et puis de l'abandonner, et de la scier. Non, on a envie de la garder le plus possible. On a envie qu'elle résiste encore longtemps. On n'a pas envie de la voir morte. Moi, comme je sais, quand je suis allé, j'ai cherché des indices qui pourraient m'inciter à dire « Ah bah oui, la souche est toujours vivante, il y a toujours de la sève qui circule dedans. » Non, on retrouve la circulation. J'ai pas trouvé. Mais à l'époque, oui, il y avait un petit rejet avec une feuille ou deux qui. Donc il y avait quelque chose qui circulait. Bon, 10 ans après, il n'y avait plus rien. Mais quand je suis reparti, j'essayais de me persuader que j'avais pas bien regardé, que j'avais pas bien vu et qu'il y avait quand même quelque chose qui devait vivre encore à l'intérieur, quoi. C'était la série documentaire des arbres et des hommes. L'arbre à loque guérisseur. Avec Monsieur et Madame de Russet, Yann Le Born, géographe, Patrice Lajoie, historien, Anne Marchand, conteuse, André Corvol, historienne, Jacques Manœuvrier, Éric, Nicole, Stéphane et Pascal. Merci à Sabine Dahuron pour les archivinas. Merci à Estelle Ferrari de la documentation, à Véronique Lafalère, Maria Contreras et Vanessa Chang de la Bibliothèque Centrale de Radio France. Merci à Monsieur Martin, collectionneur, à la mairie du Pré-d'Auge et à l'Association du Pays d'Auge. Prise de son Nicolas Mathias, Jérémy Thuil et Yvan Turc. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. Thank you.